ton fauteuil, ton journal, tes cigarettes et la télé. Ce soir, laisse-les de côté. Nostre programa i que avui ens condueix de bell nou aquest Menemó d'Encessuar des de fa uns anys enrere, igual que aquesta cançó del 2017, però tampoc tan enrere. La vida loca 2017, l'àlbum de Ghetto Fenomen, que ens aporta amb Jul la cançó cantada que es diu Maria Maria. Fais pas les donner, de la main, ma maillot, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. acord més amb el nostre programa Ulala Música. Tornem en enrere amb el temps i ara escoltem a Pierre Roche amb Charles Aznavour. Tornem a la dècada dels 40, en aquest cas el 1948. Aquesta música de fons que sentíem era el seu Depart Express, un dels temes capdals a l'antologia de la cançó francesa d'aquell any. Un jour de mai où l'ennui me pesait pour vivre ma ville et sans ce qui m'oppresse. J'ai tout quitté sans chagrin, sans regret, puisque les voyages forment la jeunesse. Aux gens curieux, j'ai répondu, destination inconnue. J'ai pris le premier train qui partait le matin. Par hasard dans le train, il y avait une femme très bien. Comme le destin veille sur moi gentiment, elle était justement dans mon compartiment. Train en roulant faisait un vacarme infernal. Sur la banquette en bois, on était plutôt mal. Et quand j'ai pris sa main parlant avec douceur, plus vite que le train allait mes battements de cœur. D'un ton charmant un peu moqueur, en un instant j'ai pris son cœur. Puis je proposais, fort galamment, venez avec moi au wagon-restaurant. Sous le premier tunnel très fort je l'ai serré. Sous le second tunnel un baiser fut volé. Puis nous sommes descendus dans une gare inconnue pour cacher notre amour dans un petit coin perdu. Chose bizarre, un matin par hasard, elle avait dû se lever du mauvais pied. Elle m'a dit pars et d'un seul coup d'un seul j'ai bondi du lit, je me suis habillé. Je l'ai quitté, j'ai rien perdu. Destination inconnue. J'ai pris le premier train qui partait le matin. J'étais un peu peiné, je ne me sentais pas bien. Comme le destin veille sur moi gentiment, elle était revenue dans mon compartiment. Train en roulant faisait un vacarme infernal. Sur la banquette en bois, on était plutôt mal. Et quand elle prit ma main pour se faire pardonner, tout contre mon épaule, elle s'est appuyée. J'étais si bien, je ne disais rien, intéressé me laissant griser. Je l'écoutais et je goûtais les mots très doux que tout bas elle disait. Sous le premier tunnel très fort je l'ai serré. Sous le second tunnel un baiser fut volé. Puis nous sommes descendus dans une gare inconnue pour cacher notre amour dans un petit coin perdu. Tunnel un baiser fut volé. Puis nous sommes descendus dans une gare inconnue pour cacher notre amour dans un petit coin perdu. Depuis ce jour nous ne nous sommes jamais quittés. Elle m'a si gentil qu'elle a su me garder. Je suis restée prisonnière, enfermée loin de toi. Et d'où je suis, je t'espère autour de moi. Je t'espère autour.

Depuis, je suis loin de toi, je suis comme loin de moi, et je pense à toi là-bas. Ah oui, j'ai le mal de toi parfois, mais si je ne le dis pas, je pense à toi tout bas. Esteu escoltant Hola la Music, el programa de música francesa presentat per Rafael Corbí. Hola la Music, amb Rafael Corbí, i ara mateix un record musical que ens conduirà ni més ni menys que la Mylène Farmer, un àlbum realitzat el 17 d'octubre de 1995, del qual avui recordarem alguna de les cançons que van sortir com a senzills, com aquesta talla grossa, aquest XXL que ens conduïa com a primer senzill d'aquell àlbum editat el mes de setembre. We'll be right back. Segon senzill a sortir d'aquest àlbum, també el recordem, L'Instant X. Un toc molt americà amb aquest disc que va ser enregistrat a Los Angeles, a Califòrnia, i que potser per això, després de 3 mesos de silenci, va sortir el tercer senzill. Molts de tocs de rhythm and blues amb aquest àlbum, inspirat, òbviament, amb aquest estil musical. 5 dels 12 temes del disc eren balades, amb un text molt melancòlic, com potser hem comentat, doncs, aquest toc de Rhythm and Blues, i sobretot també perquè la Milene estava en aquell moment tocada bastant per al budisme, o sigui que igual alguna cosa hi tenia a veure. California va ser el tercer senzill que em va sortir. J'ai plus d'idée, mais bien l'idée de me payer. música de la cantant quebequesa, un disc que va estar diverses setmanes al número 2 de les llistes de música, però que no va aconseguir mai el número 1, perquè per davant hi tenia aquell disc que va ser tan fantàstic de la Celine Dion, un disc realment preciós també, que algun dia també recordarem a través del nostre programa. Un disc que també va triomfar a Bolònia i que en altres llocs de parla francesa, com Suïssa, també va ser destacat. Estem pràcticament acabant el nostre programa, però encara podem escoltar els dos darrers senzills que van sortir d'aquest àlbum, aquest Conjument i també el Rêver. Je bascule à l'eau, horizontal, démissionne ma vie, verticale, ma pensée se fige, animal, abandon du moi, plus des moi. Je ressens ce qui vous sépare, me confie au gré du hasard, je pionne moi. Darrera interpretació, completarem el nostre programa amb tot el record musical que ens ha portat la Milène Farmer, aquesta cantant, com dic, quebequesa, tot i que triomfadora a França, òbviament. Rêver va ser el darrer senzill que va sortir d'aquest àlbum que avui hem estat recordant des del 1985, 1995, 95, perdoneu, quart àlbum d'estudi de la Milène, Anamorphosé, es deia aquest disc. A reveure i fins la propera. Per cert, que abans he dit allò del número 2, això va passar amb altres llistes a la francesa, és un àlbum que va estar-hi i va arribar al número 1. Lapsus corregit.